Hier, on n'a pas eu d'entrevue, fait qu'évidemment, ce qu'on va faire, on va reporter les entrevues d'hier à aujourd'hui. On va faire le bilan de la fin de semaine des Saguenay-Lascoutimi avec Sébastien Morin. Salut Seb! Salut Seb! Salut, Seb, encore une fois, les Saguenayens se sont bien battus, beaucoup de cœur, mais manqué d'opportunistes, est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire? Oh, manque d'opportunisme, manque d'attaque, manque un peu de personnel. Je pense que l'arrivée de Roy et de Zoukinov dans les prochaines heures, prochains jours, pour les matchs de la fin de semaine prochaine, ça va être grandement profitable pour la jeune attaque des Sags. Puis pour les défenseurs aussi, contrôler un peu plus la rondelle à l'attaque, ça permet d'avoir moins de problèmes du côté de la défensive. Ça devrait paraître okay. Dans les matchs. Nicolas Roy, évidemment, c'est une année importante. Hein. C'est pour lui. Je n'en parlais avec Serge Gémont durant le camp d'entraînement. Lui, c'est une année qui sera la pierre angulaire de l'équipe. Marc l'a payé très cher et là, il doit produire vraiment à la hauteur de peut-être des attentes. Est-ce que je me trompe là-dessus? Ben, du côté de l'attaque, ce sera probablement jamais le gars qu'on pensait qu'il deviendrait, c'est-à-dire de marquer 125-150 okay. points dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec à son pic, c'est-à-dire à 18 et à 19 ans. Sauf que tout le reste, c'est un joueur complet, un joueur qui fait des petites choses, des petits détails, c'est-à-dire qu'il est responsable défensivement, c'est un des meilleurs dans la Ligue du côté des mises en jeu. C'est un très, très bon joueur de centre et il a le physique de l'emploi pour devenir un genre de power forward, mais un bon centre qui contrôle l'attaque puis qui est capable de déranger les défensives adverses. Je pense que ça va être ça un peu l'objectif pour Nicolas Roy, juste de bien l'accompagner sur son trio, de mettre des gars qui sont capables de marquer des buts, des Zoukinov, des Boudreau et d'autres joueurs. Ça va probablement l'aider pour sa production offensive, mais c'est pas un gars qui va en mettre 75 dans le filet pour la prochaine saison. Ce OK. Sûr. Donc, ça a commencé vendredi soir par une défaite contre les Voltigeurs de Drummondville. Oui, défaite crève-cœur, but marqué à 21 secondes de la fin du match. La perte de Frédéric Allard a été très, très, très... en fait, ça s'est apparu dans ce match-là. On est obligé de mettre des jeunes défenseurs en fin de rencontre. Ça a brassé autour du filet. Il y a entre autres le jeune Jérémy Groslot qui a reçu un double échec dans le dos. Si ça avait été un vétéran, il aurait peut-être été plus prêt à le recevoir, le double échec, il aurait pas chuté. Les officiels n'ont pas sifflé comme c'est souvent le cas en fin de troisième période. Ça a amené au but victorieux, c'est-à-dire qu'il a donné l'avance 3-2 au Voltigeurs de Drummondville dans le match. Puis ben, par la suite, les Sags ont bien essayé, mais ont manqué de temps. Il restait une vingtaine de secondes après ça. Les Sags auraient dû remporter ce match-là. Il y a une petite bévue de Julio Billot autour de son filet qui a mené au but égalisateur, je pense, des Voltigeurs de Drummondville. Par la suite, ils ont pris les devants. Les Sags sont revenus de l'arrière avec un but de Jonathan Boursier avec quelques minutes à faire à la troisième. Mais ils ont manqué de temps, ont manqué un peu de chance, je dirais, dans ce okay. match-là. Faudra qu'ils apprennent, les jeunes joueurs des Sags, à garder les avances dans les rencontres. Gagner des matchs, ça s'apprend, je pense, puis ils n'ont toujours pas remporté. Ça va les aider un coup que les deux premiers points vont être inscrits au classement général de la Ligue d'hockey. C'est l'expérience, en fait. Hein? C'est ça qui rentre en ligne de compte. Et maintenant, dimanche après-midi, pourquoi ça change d'heure? Hein? Avant, c'était à 16h, puis là, c'est rendu à 15h. Y a-t-il une raison particulière, Sébastien? Ben, la plupart des équipes maintenant utilisent le format du 15h le dimanche ouais. Pour une raison aussi simple que ça s'enlève une heure de voyagement, je dirais, pour les équipes adverses qui quittent le Saguenay ou encore quand c'est nous qui vont à l'extérieur revenir au Saguenay. L'école, ça devient de plus en plus important pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. T'as pas le choix de performer à l'école si tu veux jouer au hockey. Puis d'arriver une heure plus tôt le dimanche soir à la maison pour reprendre l'école le lundi matin, c'est pour faciliter tout ce beau monde-là, pour avoir des bons résultats. Mais effectivement, puis je pense que ça, 15 heures, c'est bon. Même de ça, ça pourrait être encore plus tôt, puis ça ferait mieux. Tu sais, comme toi, là, qui est en Abitibi, là, mais tu seras pas fâché d'avoir une heure de commencer le match à 15 heures, là. Oui, mais le problème, c'est qu'en Abitibi, ils n'ont toujours pas changé okay. le format. Donc, ce sera 16h, le dernier match, quand on va partir de Val-d'Or. D'ailleurs, pas en fin de semaine, mais l'autre, à notre visite du côté okay. de l'Abitibi. Maintenant, l'autre match contre les Remparts de Québec. Autre défaite, 5-2, ce coup-là. Oui, ça n'a pas très bien débuté pour les Sags. En début de rencontre, les Remparts avaient l'air d'un club qui n'était pas dans la même ligue que les Saguenay-Chicoutimi. En deuxième période, ça s'est replacé. Les Sags qui ont bourronné autour du filet de Galloway qui était devant le but en l'absence de Karen Booth qui vont revenir aussi du côté des Remparts dans les prochains jours. Les retranchements se font dans les camps. Honnêtement, je comprends pas la mauvaise performance des Sags dans le match de dimanche. Il y avait pas de raison de s'écraser contre les Remparts qui sont un club qui est très, très, très à la portée des Sags. J'ai de la misère à m'expliquer. J'étais très déçu de la performance des Sags. Bags là-dessus. Ils ont revenu un peu dans le match en milieu de deuxième et en début de troisième. Mais il y a eu quelques petites erreurs en fin de match qui ont mené plusieurs buts, c'est-à-dire 5-2 la victoire des Remparts dimanche passé. Va falloir retenir le numéro. Déjà deux défaites contre les Remparts de Québec. Faudra revenir un peu de l'arrière si on veut avoir une fiche victorieuse contre les rivaux de la 175. OK, on va parler maintenant des petites nouvelles, Seb, que je veux te parler. Évidemment, on est à Dolbeau-Missassini, tout près de Robertval. Tu sais pourquoi tu me vois venir. Samuel Girard, première étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior du Québec. Il livre vraiment la marchandise, Samuel. Hey, c'est juste plate dans son cas là, qu'il n'y a pas 10-15 livres en plus. Hein? Ah, mais ça, je pense que ses performances sur la patinoire vont faire que ça dérangera. Il y a un DG dans la Ligue nationale à quelque part qui va prendre le risque, le beau risque, là, comme les vieux politiciens diraient, sur Samuel Girard. Il est un joueur électrisant qui contrôle l'attaque, un corps arrière. Il n'y a pas de comparable, je pense, dans les dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a bien des gens qui pensent qu'il va marquer plus de 100 points peut-être cette année avec l'attaque dévastatrice des Cataractes de Shawinigan cette année. J'ai pas de misère à le croire. Il est vraiment très, très, très, très bon. C'est sûr que sa petite stature va faire qu'il ne sera pas repêché dans les 10 premiers dans la Ligue nationale. Mais je suis convaincu qu'il y a un DG de la Ligue de plus en plus avoir les performances en ce début de saison. Avec l'absence encore Beauvillier, Denis Sian du côté des Cataractes de Shawinigan, il mène l'attaque de main de maître. Il a juste 17 ans. Il est dominant sur la patinoire. Il est beau à voir, puis c'est un espoir régional. On espère qu'il ne fera pas trop mal quand on va le rencontrer avec les Sags, mais quand même, c'est toujours le fun de le voir. Puis félicitations à la famille Girard pour jeune Sam. C'est vraiment un bel espoir pour la région. Depuis très, très, très longtemps, il n'y a pas eu vraiment de joueur repêché dans la Ligue nationale, mais c'est le prochain. Il risque de l'être en premier rang à part de ça, même s'il ne pèsera jamais 200 livres. C'est Philippe Paradis, le dernier joueur. Mais je reviens toujours à ce que Phil disait, Phil Desgagnés, comparé à Jean-Marc Richard. J'ai pas connu Jean-Marc Richard, mais j'imagine que Phil, avec son expérience, peut le comparer, mais le jeune Girard, c'est un joueur électrisant, dominant, qui vend des tickets. Il aurait très, très, très bien fait cette année dans l'entourage des Sags, mais le prix que Martin Mondou demandait au moment où Marc Fortier s'est intéressé au jeune Girard pour le repêchage il y a deux ans, ça aurait été catastrophique, je dirais, encore plus que ça l'est présenté chez les Sags. Hey, parle-moi aussi de Gabriel Paquin-Boudreau. Il est revenu dans l'entourage de l'équipe. Hey, est-ce qu'on s'entend pour dire, Sébastien, que dans le cas de Paquin-Boudreau, était même Bilia, est-ce qu'il pourrait échanger advenant que ça va moins bien durant la saison, puis ce serait des belles valeurs d'échange, hein? Oui, ça va prendre un gardien. Jeune pas de vin, Fabien. Dans le cas de Paquin Boudreau, c'est sûr qu'une équipe qui aspire aux grands honneurs à la période des fêtes, ça va être un des joueurs qui devrait dominer cette année dans la LHJMQ. Ça a été difficile dans le cas de Boudreau en fin de semaine. Ses deux premiers matchs, retour de San Jose, voyager beaucoup, est arrivé très, très tard dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2h du matin, voyager la journée vendredi de Québec jusqu'à Chicoutimi pour participer au match le soir, ça a paru. Le décalage horaire de 3 heures qui rentre en ligne de compte. T'as pas été capable de s'ajuster aussi. C'est difficile, hein? T'sais, on dit toujours, les joueurs professionnels, ça doit être tellement facile de revenir dans le junior majeur. C'est plus lent que ça. Mais c'est souvent plus difficile que de s'ajuster au tempo un peu plus rapide de la Ligue nationale pour un joueur junior que versus quand tu reviens du camp pro puis tu reviens junior. C'est un peu difficile à s'habituer peut-être à moins de vitesse du hockey junior puis les joueurs qui sont un peu moins performants sur ton trio. Gabriel a essayé d'en faire beaucoup sur la patinoire. Vendredi, il y a eu quelques gestes d'indiscipline. Ça a coûté quelques buts contre les Vultures de Drummondville. Dimanche, ça s'est amélioré un peu. Et je pense qu'avec l'arrivée de Roy et de Zoukinov au courant de la semaine, là, on aura le portrait des Sags. Puis Paquin Boudreau, bien accompagné sur un trio, il va être, je pense, très, très, très électrisant pour la semaine. OK, Sébastien, en fin de semaine, les Sags contre quelle équipe? On s'en va à Drummondville vendredi. Puis dimanche, c'est la visite des Tigres de Victoriaville à 15h. OK, Sébastien, on s'en reparle lundi prochain. Voilà, c'est la chronique des Saguenay avec Sébastien Morin. Un plaisir, bye.